2, 3, puis on peut finir. Dealer en bas de la seconde. On va se mettre avec quelques temps. Tantôt tu vas terminer, je vais enfin me reposer en bas des blocs, je finis dealer. Je vais vers les cocotiers. En guise de grenade, LGF nous a réservé quelques tasses. Franchement, on a mis tout notre trip. C'était vraiment mérité, la première mixtape t'as kiffé. On prend en du recul. Moi et mon compère, elle nous a pas convaincu. Du coup, pour les gens qui nous écoutent, on a dû se donner un mal. Placer la barre, plus au-dessus. Dans le rap, on m'annonce comme un relais. J'suis trop pressé de prendre le trône, MC fait du balai. C'est vrai que Ted reconnu ses classes. Mais j'voudrais pas partir avec une balle dans le thorax. En voiture, j'porte jamais la ceinture. Mais il faut pourrait me fumer dans le dos. Si jamais il m'atteint, je serais pas que du brille devant mon t-shirt Northside avec du sang dessus dans les journaux. Oh, ça y est, on se barre en face, mes cocotiers. Après avoir crossé 2-3 piles, on peut finir. Dealer en bas de la seconde. On va se mettre avec quelques. Patience, récompense. Passe-moi mes thunes que je fous le camp. Après avoir crossé 2-3 petits PD sur Paris, ma mixtape tourne en boucle. J'ai eu le coup de foudre en mode océan Indien. Bouche à bouche, je suis loin des bastos qui ronflent quand je dors. À chaud, un massage fini au corps à corps. La vodka me chauffe le crâne, les glaçons me chauffent le crâne. Un coup de fun ce soir, c'est la fête de la Poucave. Le trône m'appartient, coup de crosse au boss. Reste en chien, reste en chien. Je vous mets bien, j'ai assez de bastos pour tout le monde. Mon comeback ça annonce trop hard, trop violent. 2000 clips secs, serein froid, j'avance. Oh, ça y est, on se barre en face, les cocotiers. Après avoir crossé 2-3 piles, on peut finir. Dealer en bas de la seconde. On va se mettre avec quelques temps. De 3 pieds, on peut finir. Dealer en bas de la seconde. On va se mettre avec quelques temps.